Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous, bienvenue à ce journal et en voici les grandes articulations. La reprise annoncée du dialogue inter-burundais à Arusha est encore une fois reportée selon l'assistant du médiateur Benjamin Mkapa. Les musulmans célèbrent aujourd'hui la fête d'Id el-Fitri, marquant la fin du mois de Ramadan. Une période de purification et d'abandon du péché, on dit à nos reporters certains musulmans rencontrés après leur prière. Et le lancement du permis de conduire biométrique est en général salué par les transporteurs qui expliquent que cela pourra faire diminuer la fraude de ce document et les accidents de la route. Mais ils souhaitent qu'un délai supplémentaire soit accordé. Les 100 000 francs burundais que coûte ce nouveau permis étant difficile à disponibiliser ces jours-ci. Et le ministre de la Justice a déclaré que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être emprisonnés, quelle que soit l'infraction commise. Leur place se trouve dans les centres de rééducation et non dans les prisons. Allusion faite ici aux enfants accusés de falsifier la photo du président de la République dans l'Emmanuel scolaire et emprisonnés pour cela. En actualité sous-régionale, après l'Ouganda et le Kenya, le Rwanda est la troisième étape ce mercredi de la tournée africaine du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. La radio de l'avenir. Bonsoir, Séraphine Akizimana sur la mise en onde de ce journal. La reprise annoncée du dialogue inter-burundais à Arusha est encore une fois reportée, selon l'assistant du médiateur Benjamin Mkapa. Sur son compte Twitter, Mako Tchatembele écrit que c'est pour des raisons indépendantes de leur volonté et que de nouvelles dates seront précisées prochainement. Sachez que la coalition d'opposants, principalement en exil, attendait toujours son invitation pour les discussions du 9 au 12 prochain, mais qui viennent d'être remises à plus tard. Le pouvoir de Bujumbura a toujours dit qu'il ne comptait pas s'asseoir à la même table que le Sénared. Et visiblement, les médiateurs ne semblent pas trop savoir comment se positionner. Célébration ce mercredi de la fête d'Id el-Fitri. À cette occasion, certains musulmans rencontrés après la prière font savoir que le mois de Ramadan est une période de purification et d'abandon du péché pour tous les musulmans. Ils ajoutent que le pays en tire un profit énorme. C'est le reportage signé Alain Désiré Bokeyeneza. Il est stagiaire à Nostra Sastia. Nous sommes au terrain de la Komibou situé à Nyakabiga. Les musulmans sont dans une prière pour la clôture du mois de Ramadan. C'est le Cheikh Shaban Oumar Mastachal, conseiller au sein du Conseil supérieur des Cheikhs. Le mois de Ramadan est bénéfique pour le pays, en ce sens que les musulmans ont abandonné les péchés. En premier lieu, ce mois est bénéfique parce qu'ils se sont bien repentis. Il n'y a eu aucune difficulté et ils sont enchantés car le pays qui les a vus naître contribue aussi à les faire grandir. Un autre musulman témoigne que le mois de Ramadan contribue au changement de comportement. Il y aura beaucoup de gens qui vont changer leur comportement et il n'y aura pas de criminels. Le même musulman réaffirme que c'est le mois d'expier les péchés et que le musulman devrait être des modèles dans la société. Puisque nous venons de terminer ce mois de Ramadan, nous sommes conscients que nous avons expié tous nos péchés. Le message que je peux donner d'abord aux musulmans, nous avons changé, nous devrions plutôt continuer à nous comporter ainsi jusqu'à la fin de nos jours, être des bons exemplaires. Le mois de Ramadan est une période de jeûne et prière pour tous les musulmans pratiquants. Merci Alain Désiré. Certains des conducteurs interrogés par la radio Isanganiro saluent la mesure prise de modifier le permis de conduire, un permis de conduire lancé officiellement par la police ce mardi. Ils expliquent que cette mesure vient lutter contre la fraude des permis et c'est au moment où les autres se plaignent que la durée réculaire est accordée et courte, ce qui ne leur permet pas d'avoir les 100 000 francs exigés pour le paiement de ce permis. Suivez-les. C'est une décision qui est tombée comme ça, sans préparer les conducteurs. Je pense qu'il fallait d'abord préparer les gens psychologiquement, bien avant. Et puis, il fallait d'abord penser à toute personne, faire des réunions aux conducteurs qui devraient être capables, s'ils sont capables d'acheter. D'accord, mais aujourd'hui, on ne sait pas si ça sera facile pour tout le monde. Parce que ce prix est vraiment un prix exorbitant, voire le coût de la vie aujourd'hui. Je pense que jusqu'à novembre, c'est vraiment un temps très réduit. Il fallait penser, allonger ce temps. La décision, elle est bonne, nous l'apprécions réellement, puisque nous voyons que cette décision va venir pour combler le vide, parce qu'on voyait qu'il y avait des fraudes concernant les permis, et il y avait des personnes qui les achetaient à 250 000. Donc, comme si les personnes, en ayant un endroit où aller les acheter, aller les acheter pour les 250 000. Alors que maintenant, nous voyons que toutes les personnes seront dans une même base de données, tous les chauffeurs, les taximens, toutes les personnes qui veulent se procurer le permis. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? On est scandalisé. Mais tous les prix ont augmenté. Je ne sais plus quoi dire. Mais si on ne peut plus manger, si on ne peut plus acheter du carburant, est-ce qu'on a vraiment un problème de permis de conduire? C'est normal, c'est ça, on est dans des situations pareilles. On est juste choqué et scandalisé. Moi, ça ne m'intéresse même pas de savoir le délai, pourquoi faire. On ne peut plus manger, on ne peut plus aller à l'école, on ne peut plus faire quoi que ce soit. Est-ce que ça, c'est un problème qui s'ajoute à plusieurs autres problèmes, donc je ne sais plus quoi dire, c'est ça. Voilà, c'était le micro-baladeur de la radio Isanganiro à propos de ce permis de conduire biométrique qui vient à point nommé selon l'Association burundaise des transporteurs. Charles Nilameba, secrétaire général de la Trabou, estime que les accidents routiers vont diminuer au regard des permis de conduire frauduleux qui étaient utilisés par pas mal de chauffeurs. Il demande toutefois que le délai accordé qui va jusqu'en novembre soit prolongé car il n'est pas facile d'avoir 100 000 francs burundais en temps voulu. Suivez Charles Nilameba. Vous savez que la majorité des accidents ici est dû aux chauffeurs, dû au comportement des conducteurs. Et parfois, il y a même des chauffeurs qui ne possèdent pas de permis de conduite valable. Il y a même ceux qui ont des permis de conduite fraudulés. Et dans ce cas, alors, pour nous, cette mesure est vraiment louable parce qu'il va aller dans le sens de diminuer les accidents routiers. Et toutefois, il est passé de 40 000 à 100 000 francs. Et avec les conditions actuelles, et la crise économique que traverse notre pays. Il est bien entendu que même les transporteurs seront touchés par cette mesure. C'est pour cela que nous demandons, si jamais il y a un ou des transporteurs qui ne seront pas en norme au mois de novembre, comme ça a été précisé par le chef PCR, que peut-être le ministère de la Sécurité publique puisse y mettre une autre prolongation pour que les transporteurs puissent se conformer à la loi. Voilà, vous venez de l'entendre, le nouveau permis de conduire biométrique passe de 40 000 à 100 000 francs burundais. Et l'Office burundais des recettes OBR communique qu'il a collecté plus de 57 milliards de francs burundais durant le mois de juin, alors que les prévisions étaient de près de 54 milliards. Selon toujours le communiqué de l'OBR sorti ce mardi, ces recettes cumulées du premier semestre de cette année s'élèvent à près de 303 milliards. Elles étaient un peu plus de 288 milliards la même période pour l'année dernière. Et trois personnes ont été arrêtées ce mardi à Chivitoke avec des quittanciers contrefaits de l'Office burundais des recettes OBR. Le commissaire de police au PEPA 1, Eugène Vizindavi, indique qu'un des trois individus interpellés est en contrefacteur. Il ajoute que la police est en train de chercher leur complice. Dans la suite de ce journal, les écoliers accusés d'avoir falsifié les photos du chef de l'État se trouvant dans les manuels scolaires ne devraient pas être emprisonnés. C'est du moins l'intervention du président de la fédération qui milite pour les droits de l'enfant burundais, FENADEB, s'appuyant sur la correspondance du ministre de la Justice. Cette correspondance stipule que les enfants de moins de 18 ans qui commettent des délits ne devraient pas être sous les verrous, mais plutôt devraient être acheminés vers les centres de rééducation. Maître Jacques Nshimirimana s'insurge aussi contre l'emprisonnement des quatre enfants de Bubanza détenus dans le cachot des personnes adultes. Effectivement, Madame le ministre de la Justice a sorti dernièrement une correspondance qui demandait à ses collaborateurs, surtout la direction pénitentiaire, de transférer systématiquement tous les mineurs en conflit avec la loi dans des centres de rééducation pour mineurs, sans toutefois passer par des prisons des adultes. Donc ce qui n'a pas été le cas à Bubanza, et cela montre que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été préservé par le ministère public à Bubanza. Donc sur ça, nous avons demandé au juge que ces enfants ne doivent pas attendre, même les 48 heures, ne doivent pas les attendre dans le cachot, dans la prison de Bubanza, plutôt dans un centre d'éducation pour mineurs, qui est un centre réservé à accueillir des mineurs qui sont en conflit avec la loi. Et ça, c'était vraiment un pas très louable que l'État du Burundi avait déjà franchi en matière de protection et promotion des droits de l'enfant. Et nous demandons aux juges de ne pas faire reculer l'État du Burundi dans ce domaine, parce que c'est un pas qui avait été vraiment apprécié par tout le monde, par la communauté internationale, par les défenseurs des droits de l'enfant qui nous sommes. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les travaux de construction de la ligne électrique Kamagnola-Bujumbura de 220 kV sont en cours. Le ministre de l'Énergie et des Mines affirme que ces travaux sont dans leur phase d'indemnisation des habitants ayant perdu une partie de leur propriété. Le ministre Komanirakiza signale que le bureau de surveillance qui avait gagné le marché a un dossier en justice, d'où les travaux ont été momentanément arrêtés. Ces travaux ont été lancés en octobre 2015 dans la zone Rubirizi de la commune de Mutimbuzi en province de Bujumbura, et cela pour un montant de 57 milliards de francs burundais, et le délai d'exécution était de 21 mois. Les détails avec Grâce Nyonzi et les stagiaires. Cette ligne a été lancée en octobre. Aujourd'hui, nous sommes à la phase des indemnisations. L'équipe qui se charge des indemnisations serait au niveau d'Ogasenyi. Il affirme que les travaux de construction de la ligne électrique Kamagnola-Bujumbura sont en cours. C'est le ministre burundais de l'énergie et mines. Il nous indique le pourquoi de cette ligne. Nous avons lancé les travaux de construction de la ligne Bujumbura-Kamagnola, justement dans le sens de pouvoir bientôt écouler, sinon importer notre énergie à partir de la Ruzizi 3, qui est aussi en montage, de pouvoir commencer les travaux. Cette ligne a été lancée en octobre. Aujourd'hui, nous sommes à la phase des indemnisations. L'équipe qui se charge des indemnisations serait au niveau d'Ogasenyi. Ces travaux lancés au mois d'octobre 2015 par le deuxième vice-président de la République et le ministère de l'Énergie et Mines ont vu de remédier à la carence énergétique, allait coûter un montant de 57 milliards de francs bou. Une enveloppe de 27 milliards de Frambou va être donné par la Banque africaine de développement, tandis que la banque allemande KfW décaissera 30 milliards de Frambou. De son côté, le gouvernement burundais donnera 600 millions de Frambou pour indemnisation de la population qui sera affectée par ces travaux. Le ministre Komanirakiza explique que la société indienne Angelic International, qui avait gagné le marché de surveillance des travaux, avait un dossier en justice. Il y a aussi un autre problème qui a eu lieu, c'est que le bureau de surveillance. Par après, on a retrouvé qu'il aurait un dossier en justice que je n'ai pas voulu suivre. Et on a demandé à ce qu'il ne puisse pas continuer les travaux, du moins le gouvernement avec les partenaires. Mais comme nous avons besoin de ces travaux-là, nous avons demandé à ce que nous puissions prendre le suivant. Le ministre précise en outre qu'une autre société a déjà été choisie. Grâce Nyonzima. Quelques nouvelles brèves en actualité des provinces. La pénurie d'essence commence à se manifester dans les stations se trouvant dans la ville de Gitega. Seule la station Kobil en possède et les propriétaires de ces stations craignent que même le carburant fourni à Gitega risque d'être utilisé par la seule entreprise Sogeas Atom dans ses travaux de réfection des routes de la ville de Gitega. Et les éleveurs de la province de Muyinga doivent s'habituer à la stabulation permanente pour éviter des conflits les opposant aux agriculteurs. Cet appel est lancé par le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage après des bagarres ayant éclaté entre les habitants des collines Kayenzi et Karongwe la semaine dernière au sujet de la gestion du marais séparant ces deux collines. Et les représentants des pêcheurs aux différentes plages de pêche de la province Rumonge dénoncent ce qu'ils appellent l'inertie des instances judiciaires dans la lutte contre le vol des moteurs de bateaux de pêche. C'est après la libération de deux présumés bandits, une libération jugée irrégulière par les pêcheurs. Le gouverneur de Rumonge promet la réarrestation de ces personnes libérées irrégulièrement par la justice. Et en actualité sous-régionale au Rwanda, après l'Ouganda et le Kenya, le Rwanda est la troisième étape ce mercredi 6 juillet de la tournée africaine du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une étape très symbolique d'une tournée africaine historique afin de consolider les liens entre les deux pays dont le passé respectif est marqué par un génocide. Un tapis rouge était déployé sur le tarmac de l'aéroport et une fanfare militaire a joué les hymnes nationaux des deux pays. Cette arrivée a été retransmise mise en direct à la télévision nationale. Et juste après, Benjamin Netanyahu s'est rendu au mémorial du génocide de Gisozi à Kigali. Lors de ce temps fort dans sa visite, il a déposé des fleurs dans le jardin du mémorial où reposent dans des sépultures communes quelques 250 000 des 800 000 victimes du génocide au Rwanda. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je rappelle que la reprise annoncée du dialogue inter-burundais à Arusha est encore une fois reportée selon l'assistant du médiateur Benjamin Mkapa sur son compte Twitter. Makocha Tembele écrit que c'est pour des raisons indépendantes de leur volonté que de nouvelles dates seront précisées prochainement. Et les musulmans fêtent aujourd'hui la fête d'Idil Fitri marquant la fin du mois de Ramadan, une période de purification et d'abandon du péché, ont dit à nos reporters certains musulmans rencontrés après leur prière. Et le lancement du permis de conduire biométrique hier est en général salué par les transporteurs qui expliquent que cela pourra faire diminuer la fraude de ce document et les accidents de la route, mais ils souhaitent qu'un délai supplémentaire soit accordé. Les 100 000 francs burundais que coûte ce nouveau permis étant difficile à disponibiliser ces jours-ci. Et le ministre de la Justice a déclaré que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être emprisonnés, quelle que soit l'infraction commise. Leur place se trouve dans les centres de rééducation, a dit la ministre de la Justice dans une correspondance. Allusion faite ici aux enfants emprisonnés, accusés de falsifier la photo du président de la République dans les manuels scolaires. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Merci à Séraphine Akizimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Une bonne soirée.